On m'a vendu l'amour parfait. Ton cancer et moi, je crois que c'est pas de l'amour. Même le bonheur pourrait me lasser. J'ai le super pouvoir de voir le mal partout. Je voulais trouver la femme idéale. Comme si moi j'étais l'homme idéal. Attends. Pourquoi j'ai cru que je suis l'homme idéal? Jamais la même quand je suis là, je sers à rien, je suis juste lymphatique. Sensible de mauvaise humeur, je parle mal, c'est toujours la faute de la fatigue. Oublie les vacances, je sais pas, on peut rien prévoir. Ta vie est calée sur mon planning. Passif agressif, je veux pas voir tes amis. Je fais tout passer sous prétexte, je suis un artiste. Rien n'est jamais bien pour moi, j'ai pas kiffé. On s'embrouille pour choisir un film. Je décroche mon tel en plein film. Le taf passe toujours en premier. T'es seul dans notre lit. Je dis que je fais ça pour ma famille. Sauf que je vois jamais ma famille. Parce qu'en vrai, je le fais pour moi. Je ramène la thune, donc j'ai le droit. C'est ce que je croyais. Maintenant, je sais que je pourrais te perdre. Je ferai de mon mieux pour te garder. C'était mieux avant, peut-être. On fera tout pour que ça soit mieux après. Finalement, t'es pas parfaite. Je suis sûrement pire, donc c'est parfait. C'est normal si tu t'inquiètes. L'amour n'est pas parfait quand il est vrai. L'amour n'est pas parfait quand il est vrai. Quand tout va bien, c'est trop facile d'aimer. L'amour n'est pas parfait quand il est vrai. Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble. À notre âge, écoutons comme des feuilles, on tiendra jusqu'au printemps. Viens, on reste ensemble. Comme des feuilles, on tiendra jusqu'au printemps. Des fois t'es chum, des fois t'es relou. Des fois j'suis chum, des fois j'suis relou. Des fois t'es mauvaise, des fois j'suis mauvais. J'crois pas que les années vont nous améliorer. J'te promets d'avoir des doutes. Parce que douter c'est le contraire de s'en foutre. Ouais, y a pas de notice de l'amour. Faut juste en faire un petit peu tous les jours. Ouais, mais maintenant je sais que j'pourrais te perdre. J'ferais de mon mieux pour te garder. C'était mieux avant peut-être. On fera tout pour que ça soit mieux après. Finalement t'es pas parfaite. J'suis sûrement pire donc c'est parfait. C'est normal si tu t'inquiètes. Viens on reste ensemble. Viens on reste ensemble. Viens on reste ensemble. À notre âge écoutons comme des feuilles. On tiendra jusqu'au printemps. Viens on reste ensemble. Feuilles, on tiendra jusqu'au